Chapitre 11. Les deux Arabes qui se trouvaient dans le canot avec Ravascas ne semblaient pas pressés. Debout entre les bancs, ils ramaient avec lenteur. Ravascas, bien que frémissant d'impatience, ne pouvait rien dire. Enfin, le canot accosta sous une échelle à l'avant du Kokoro. Ravascas vit des matelots japonais se pencher sur les rambardes et faire descendre une chaîne terminée par un croc de fer destiné à hisser les paniers de légumes et les cages renfermant les volailles qu'apportait l'embarcation. À quelques centimètres à peine au-dessus de la ligne de flottaison du yacht, presque contre le canot, Ravascas vit un hublot ouvert. Profitant de ce que les Arabes étaient occupés à élinguer un colis, il s'introduisit dans le hublot et les mains en avant, tomba dans un étroit réduit rempli de pots de peinture et de touques de vernis. Il se releva et à trois pas de lui vit une porte entr'ouverte. Il s'en approcha, regarda par la fente et distingua un étroit escalier de bois. Il passa le seuil et après une courte hésitation descendit les marches de l'escalier. Il arriva ainsi au fond du navire dans le compartiment où les chaînes des ancres étaient arrimées. Une ampoule électrique fixée au plafond éclairait ce réduit. Ravascas, prudemment, alla se tapir derrière un amas de planches et de vieilles voiles qu'il vit dans un coin et résolut de rester là en attendant la nuit. Après un laps de temps qui lui parut extrêmement long, il entendit des bruits de pas. Les chaînes des ancres, tirées par le treuil, commencèrent à descendre lentement dans le compartiment. Ravascas entendit un cliquetis métallique produit par l'homme qui arrimait les chaînes à mesure qu'elles descendaient. Les ancres furent enfin hissées et le marin remonta sur le pont. Presque aussitôt, l'ampoule électrique s'éteignit. Ravascas fut plongé dans les ténèbres. Il put, peu après, entendre le murmure de l'eau contre la coque du yacht et en conclut que le Kokoro avait appareillé. Malgré son impatience, il ne bougea pas de sa cachette. Ce ne fut que lorsqu'il crut la nuit venue qu'il se hasarda à remonter. Il passa devant le magasin à peinture, grimpa encore deux étages et arriva sous une petite trappe qu'il souleva sans peine. Il vit qu'il était sous le gaillard d'avant, entre les deux chaînes des ancres. C'était la nuit. Ravascas, s'étant penché hors de la trappe, jeta un coup d'œil sur le pont du yacht et vit qu'il était désert. Une pluie épaisse tombait. La cloche de la passerelle sonna six fois. Ravascas, qui était au courant des usages maritimes, en conclut qu'il était 11 heures du soir. Se fiant sur l'obscurité, il se dirigea vers l'arrière du yacht et arriva, sans avoir rencontré personne, devant l'échelle de la dunette. Il en gravit trois échelons et s'arrêta figé. Abrité par une tente épaisse, deux individus, en qui il reconnut le japonais et son complice, étaient assis sur des fauteuils de rotin et devant eux, deux hommes étaient ligotés au mât d'artimon. Ces prisonniers, c'était Browning et l'individu que Ravascas avait assommé dans le terrain vague de la rue du Mont-Cenis. Deux marins japonais en uniforme se tenaient debout, à quelques pas plus loin. Le japonais que Ravascas avait suivi à bord du Città di Milano parlait d'une voix âpre. Ravascas entendit ces mots, prononcés en excellent anglais. « Vous avez maintenant tout compris, monsieur Pilcots. Nous voulions ces documents comme vous, et nous les avons eus. Nous les avions payés assez cher, monsieur Pelletierbe, le commis du ministère. Vous avez cru être malin en assassinant Pelletierbe et en vous emparant de ses papiers. Grâce à ces papiers, vous avez su que ce Pelletierbe était en correspondance avec nous. » Et le lendemain, vous avez assailli notre émissaire sur le boulevard Saint-Michel, en vain d'ailleurs. Vous ne vous êtes pas découragé, et vous avez réussi à vous emparer du sac postal dans lequel se trouvaient les documents. Seulement, nous avons su d'où venait le coup. Nous avons découvert votre repère dans le cabaret de Montmartre, et non seulement nous ne sommes emparés de vous, mais encore, les documents sont ici, en lieu sûr. Les plans du cuirassé sous-marin iront, non pas en Angleterre, mais au Japon. Et quant à vous, qui êtes responsable de la mort d'un de nos compagnons, blessé grièvement dans le cabaret, nous vous condamnons à mort. Vous allez être précipité à la mer, monsieur Pilcots. Comme vous voudrez, répondit le prisonnier. Et vous, le gentleman sans nom, nous allons vous laisser jusqu'à demain à l'aube pour nous révéler ce que vous êtes venu faire dans nos affaires. Si vos réponses ne sont pas satisfaisantes, vous subirez le sort de Pilcots. Browning, à qui étaient adressées ces paroles, haussa les épaules et garda le silence. Le japonais qui avait parlé fit entendre un ordre en bref. Les deux marins nippons s'approchèrent de Pilcots, coupèrent les cordes qu'il retenait contre le mât, ils lui assujettirent une gueuse de fonte entre les chevilles, puis, l'ayant soulevé, le firent basculer par-dessus la lisse. Ravascas, béant d'horreur, entendit le choc du corps contre la surface de l'eau. que ceci vous serve d'avertissement à l'homme, conclut le japonais à l'adresse de Browning, qui ne répondit pas. Rabascas, frissonnant, ne chercha pas à en voir plus et revint sur ses pas. Il alla se cacher entre les deux claires-bois de la machine, où il resta jusqu'à ce qu'il entendît sonner 1 heure du matin. Il sortit alors de sa cachette et se dirigea vers la dunette. La pluie tombait toujours. Rabascas, ayant gravi quelques marches de l'échelle, vit que Browning était toujours ligoté contre le mât. À 3 pas de lui, un matelot japonais se promenait, une cigarette en bouche. Rabascas n'hésita pas. Il attendit que le japonais, qui déambulait de long en large, lui tourna le dos et, brandissant le lourd cabillaud de fer qu'il venait d'arracher de la lisse où il était planté, arriva sur l'asiatique qui la battinait à ses pieds en lui fracassant le crâne de sa barre. Puis, se penchant sur sa victime, il s'empara du couteau qu'il portait à sa ceinture et s'en servit pour trancher les liens, retenant Browning. « Ouais, on peut dire que vous arrivez à point. Merci, » fit simplement l'Américain. Il étira ses membres et reprit. « Ils sont allés se coucher. Je sais où est leur cabine. Nous pouvons tout de suite nous arranger avec eux, les démolir et prendre les documents. Et ils les ont. Ils me prennent pour un émissaire du ministère de la Marine française. » Et pour me faire comprendre que toute lutte était impossible, ils me les ont montrés. Les plans, venez. » Et sans attendre de réponse, Browning s'agenouilla sur le marin japonais et lui enleva son revolver. « Avec ça, nous ne nous laissons pas faire, » conclut-il. « Arrivez, la prime est à nous à ce coup. »